Chères auditrices, chers auditeurs, quel bonheur pour nous de vous retrouver aujourd'hui. Après de longues, très longues vacances pour toute l'équipe d'Europe'n'Roll, nous sommes de retour et prêts à vous narrer mille et un secrets. Commençons d'abord par vous souhaiter une très belle année 2023. On espère bien sûr que vous en passerez une partie à notre écoute et qu'elle sera pour vous l'occasion de partir à l'assaut des recoins européens que nous vous proposons de découvrir chaque semaine. Et puis pourquoi vous cacher plus longtemps l'autre raison de notre excitation ? Aujourd'hui, les chroniqueurs d'Europe'n'Roll sont particulièrement bouillonnants d'énergie et d'empressement puisque nous vous proposons aujourd'hui de nous plonger dans notre élément. Cela va sans dire, cette émission s'effectuera sous le signe franco-allemand. Car oui, pardonnez-nous d'y revenir, mais il y a une date que nous ne pouvons pas nous permettre de passer sous silence. C'est bien sûr celle du 22 janvier, anniversaire du traité de l'Élysée dont nous fêtons cette année les 60 ans. Érigé en symbole incontournable de l'amitié qui unit aujourd'hui les deux anciens meilleurs ennemis de l'Europe, restez avec nous pour décortiquer les mythes et légendes qui entourent sa signature. Nous sommes ravis de vous retrouver et bon retour sur Europe'n'Roll. Actu, débat, culture, idées, musique. Ça c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe'n'Roll. Ça c'est l'Europe. Et on peut dire que nos chroniqueurs se sont largement penchés sur le sujet puisque, on le rappelle, en tant qu'étudiantes et étudiants du campus franco-allemand de Nancy, eh bien on peut dire que l'ADN du traité de l'Élysée coule dans leurs veines. Pour se familiariser ensemble aux répercussions de ce dernier, c'est Suzy qui commencera par nous parler de ce drôle d'acronyme qu'est l'OFAGE. Je n'en dis pas plus pour l'instant, histoire de faire durer un peu le suspense. Avec Victor, ce sera l'occasion de faire un état des lieux sur les rapports économiques qu'entretiennent la France et l'Allemagne, puisque vous vous en doutez, l'argent n'est jamais bien loin quand il s'agit de diplomatie, alors tendez l'oreille si vous projetez des investissements outre-Rhin ou l'achat d'une Volkswagen par exemple. Enfin, on ne pourra pas se passer d'Inès et de sa chronique sur le couple De Gaulle-Adenauer, qui, comme les autres duos formés par les dirigeants des deux pays, est entré dans l'histoire. Et on n'oubliera pas non plus le flash culture de Carmen, ni les mélodies préparées par Anaïs et qui rythmeront notre émission. Mais avant tout, vous le savez, c'est maintenant l'heure de l'actualité. Bonjour à tous, et nous commençons ce tour de l'actualité au Pérou, où se déroulent depuis plusieurs semaines des manifestations à l'encontre du pouvoir. En effet, le pays est suivi de violents affrontements entre civils et forces de l'ordre depuis la destitution de Pedro Castillo en décembre dernier. Celui-ci avait quitté son statut à la tête de l'État pour motif d'incapacité morale permanente et a été remplacé par Dina Boluarte, vice-présidente sous son mandat. Cependant, le peuple conteste vivement cette nomination et réclame l'organisation d'élections anticipées afin d'élire un nouveau président, ce à quoi s'oppose fermement la nouvelle présidente péruvienne. C'est donc pour cette raison que des manifestations perdurent depuis maintenant près de deux mois dans le pays, placées en état d'urgence depuis le 14 janvier dernier. Ces manifestations très violentes ont pour l'heure causé de nombreux décès et on dénombre déjà une cinquantaine de morts. Ainsi, il faudra donc attendre non pas 2026 comme initialement prévu, mais bien 2024 pour voir se dérouler de nouvelles élections présidentielles au Pérou. Une autre crise, mais cette fois-ci diplomatique, sévit en Europe, entre la Turquie et la Suède, depuis plusieurs semaines. En cause, depuis plusieurs mois déjà, l'entrée de la Suède au sein de l'OTAN, dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui doit être approuvée par tous les États membres. Cependant, depuis juillet, la Turquie s'oppose à cette décision. À l'origine de ce désaccord, l'hébergement de plusieurs militants et sympathisants kurdes en Suède. Ainsi, après plusieurs mois de négociations non fructueuses entre les deux pays et face au refus catégorique de la Turquie, des manifestations ont été organisées, samedi 21 janvier, par des militants d'extrême droite devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Manifestations durant lesquelles un Coran a notamment été brûlé, provoquant la colère d'Ankara, qui a par la suite annulé la visite du ministre suédois de la Défense, initialement prévue vendredi 27 janvier. Pour terminer, nous nous rendons au Brésil, où plusieurs personnes ont été condamnées dans le cadre de l'enquête sur les émeutes à Brasilia. En effet, en janvier dernier, plusieurs partisans du président sortant Jair Bolsonaro ont envahi plusieurs hauts lieux du pouvoir brésilien, tels que le palais présidentiel, la Cour suprême ou encore le Congrès. En cause, l'élection présidentielle d'octobre dernier, qui a élu le président Lula, investi de ses pouvoirs le 1er janvier dernier. Donc cet événement ressemble de près à l'invasion du Capitole américain en 2021, réalisée par les partisans de Donald Trump. Au Brésil, ces émeutes ont été fermement réprimées par les autorités et plus de 2000 personnes ont été placées en détention provisoire par mesure de précaution. Parmi elles, 464 ont été provisoirement relâchées par le juge du tribunal suprême fédéral le 21 janvier dernier, tandis que 942 attendent encore leur jugement. Par ailleurs, l'ancien chef de l'état-major de l'armée de terre a été limogé par le nouveau président Lula en raison de l'implication de l'armée dans ces émeutes. Merci Camille pour ce journal marqué donc par des tensions aux quatre coins du globe. Fort heureusement pour nous, notre émission est elle aujourd'hui placée sous le signe de l'amitié et de l'amitié franco-allemande, on le rappelle. C'est d'ailleurs de cela que Suzy est venue nous parler aujourd'hui, puisqu'elle va nous expliquer ce qu'est l'OFAGE, étrange acronyme dont j'ai pour le moment su garder le secret. Et quel secret ? Je suis sûre que nos auditeurs et auditrices sont déjà intrigués. Vous le savez sûrement déjà, mais l'objectif du traité de l'Élysée était de sceller la réconciliation et la coopération des peuples français et allemands 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça paraît un peu abstrait vu sous cet angle, mais cela a donné lieu à des mesures très concrètes, comme les sommets franco-allemands plusieurs fois par an. Et notre fameux OFAGE est un exemple parfait de ces aspects concrets du traité de l'Élysée. Merci pour cette petite mise en contexte, mais est-ce que tu pourrais nous rappeler, à nous et aux auditeurs d'Europe & Roll, la signification de cet acronyme ? Ah oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange comme acronyme, mais OFAGE signifie simplement Office franco-allemand pour la jeunesse. Facile à retenir, n'est-ce pas ? Et en allemand, ça donne Deutsch-Französisches Jugendwerk, soit DFJW. C'est cadeau si vous voulez briller auprès de vos connaissances germanophones. Implanté à Paris, Berlin et Saarbrück, il a été créé pour encourager les relations entre les jeunes français et allemands. Cela permet de mieux comprendre nos voisins et inversement, qu'ils nous comprennent mieux et arrêtent d'avoir tous ces clichés sur la France. Parce que non, nous ne sommes jamais en grève, je ne vois pas de quoi vous parler. C'est vrai qu'il est parfois difficile de se détacher de nos préjugés. Mais alors finalement, comment est-ce que cet objectif est concrètement réalisé ? L'une des actions principales de l'OFAGE, c'est de soutenir les projets et échanges qui réunissent des jeunes français et allemands. Mais il n'existe pas de forme figée, et ces projets sont multiples, allant des échanges scolaires et universitaires, aux travaux de recherche, en passant par le jumelage de villes et de régions, les cours de langue, ou encore des rencontres sportives et culturelles. Toutes les occasions sont bonnes pour célébrer l'amitié franco-allemande et qui de mieux pour cela, et quoi de mieux pour cela, que de faire appel à la jeunesse qui sait si bien faire la fête. Et on peut dire que cette opération est menée avec succès puisqu'en 60 ans, l'OFAGE a permis à plus de 9,5 millions de jeunes de s'investir dans 390 000 programmes avec en moyenne 800 échanges par an. Et un des piliers de l'OFAGE, c'est aussi une certaine démocratisation de ce genre d'événement puisqu'environ 21% des jeunes qui participent aux différents projets ont moins d'opportunités que les autres. Enfin, pour faire vivre l'organisation, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices assurent la représentation de l'OFAGE lors des différentes manifestations annexes. C'est donc bien un éventail de projets que l'OFAGE propose et ça donne vraiment vraiment envie. Et finalement, comment l'organisation appréhende les 60 ans du traité de l'Élysée qu'on célèbre dans cette émission ? Alors évidemment, l'OFAGE a plein d'idées pour célébrer son 60e anniversaire et développe de nombreux projets autour de ce thème sous le label 60 ans. Qui permet donc de créer des événements qui ont un lien avec les 60 ans du traité de l'Élysée. Ainsi, on voit naître dans différentes villes de France et d'Allemagne différents projets qui se rapportent à ce jubilé. Par exemple, à quelques kilomètres de Nancy, dans la ville de Metz, s'est tenu ce vendredi 27 janvier un festival de courts-métrages diffusé à la fois en français et en allemand sur le thème de la paix et de la fraternité. On retrouve aussi des projets dans des villes allemandes, que ce soit dans la capitale de Berlin ou dans de plus petites villes comme Fribourg ou Kiel. Petit clin d'œil à notre campus, le campus franco-allemand de Sciences Po à Nancy organise ce samedi 28 janvier un événement autour des 60 ans du traité de l'Élysée avec différents intervenants et cette date est bien recensée dans la catégorie Label 60 ans de l'OFAGE. Cette organisation est donc finalement un véritable moteur de l'amitié franco-allemande en permettant aux deux nations de maintenir un lien régulier de par le mélange de la jeunesse qui reste, je le rappelle, la génération des dirigeants de demain. Merci Suzy pour cet éclairage et c'est bien connu, les voyages forment la jeunesse et peuvent aussi être la source de belles découvertes ou amitiés. Et le voyage, c'est d'ailleurs Barbara qu'il chante, n'est-ce pas Anaïs ? Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous célébrons les 60 ans du traité de l'Élysée. Et si cette amitié franco-allemande a pris du temps à s'immiscer, elle a finalement réussi à s'installer, mais surtout à se faire porter par la voix mélodieuse d'une artiste incontournable de la musique française, Barbara. Et pourtant, chanter l'Allemagne pour Barbara, petite fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale, est impossible. Enfin, presque, car du Bois de Vincennes à Göttingen, Barbara nous emmène dans un voyage franco-allemand sans précédent. C'est un texte de réconciliation et non d'oubli, disait-elle. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le Bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense. Mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine et puis notre Bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. La, la, la. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Merci beaucoup Anaïs pour ce voyage outre-Rhin, c'était Göttingen de Barbara sur Europe & Roll. Et on le sait, les relations franco-allemandes n'ont pas toujours été des plus apaisées, mais grâce à la construction européenne ou aux nombreux textes qui unissent maintenant nos deux pays, comme le traité de l'Elysée dont nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire, la coopération avec le pays qui fut autrefois notre meilleur ennemi est aujourd'hui ancrée dans le milieu culturel, on l'a vu avec Suzy, mais aussi dans le domaine politique et surtout économique. Et puisque, en amitié, on essaye de s'appuyer sur les forces de l'autre pour tenter d'oublier ses propres faiblesses, notre voisin allemand a de quoi nous inspirer. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la coopération économique entre la France et l'Allemagne ? Je crois que, Victor, tu vas pouvoir nous éclairer. À l'occasion du 60e anniversaire du traité de Versailles, il paraissait nécessaire de mettre en lumière la relation franco-allemande sous tous ses aspects. Ainsi, les derniers rapprochements diplomatiques et politiques des deux pays sont assez ambivalents, montrant un duo profondément soudé, mais aux intérêts semblant de plus en plus divergents. En effet, cette nouvelle rencontre à l'Elysée fut l'occasion de mettre les choses au point, dissimulée derrière un rideau de tirades élogieuses entre chefs d'État, se solde par un échec diplomatique, les deux pays n'étant pas parvenus à formuler une proposition forte sur le soutien à l'Ukraine. Symbole d'une amitié en légère perte de vitesse au niveau international, que peuvent nous apporter tous ces événements récents à l'heure où le moteur de l'Union européenne semble ralentir ? D'abord divisés sur la question de la défense puis sur celle de l'énergie, les deux pays restent profondément différents dans de nombreux domaines, ces derniers élaborant des politiques nationales parfois même incompatibles avec les idéaux de politique commune prônés par cette coopération désormais historique. Bien que plusieurs avancées ont eu lieu, notamment dans le domaine de l'énergie, il reste à l'heure actuelle incontestable que de nombreux différends ne sont peut-être et ne seront peut-être jamais réellement réglés, entravant alors par exemple la perspective d'une solution européenne globale à la crise énergétique. Toutefois, si la situation actuelle laisse la perspective d'une coopération ralentie, il est incontestable que le dialogue politique entre les deux pays fut permanent. L'exemple le plus flagrant reste la succession des visites de ministres allemands à Paris ainsi qu'un voyage à Berlin d'Elisabeth Borne. Si ces visites datant alors de la fin de l'année 2022 restaient une réponse directe d'apaisement des tensions diplomatiques entre les deux pays, les politiques communes n'en avaient alors été pas plus avancées. Alors que tous pensaient que la France et l'Allemagne se présentaient comme les leaders des réponses européennes face aux problèmes économiques, géopolitiques et climatiques, leur dissension semble avoir ralenti l'élan de solidarité et de politique commune lancée en réaction à l'invasion russe. Au cœur de ces réponses européennes trônaient entre autres les nouveaux enjeux économiques des deux pays, aboutissant là encore à un blocage des discussions entourant la désindustrialisation. Cet enjeu économique majeur pour les deux pays restait alors une réelle source d'espoir, annonçant un tournant dans cette coopération économique post-Covid. La crise énergétique suite à la guerre en Ukraine n'ayant fait que mettre en lumière la dépendance énergétique de l'Allemagne, les multiples débats européens autour de cette question s'avérèrent plus compliqués compte tenu des oppositions des modèles économiques français et allemands. Le premier plaçant le nucléaire au centre de sa politique énergétique, le second en profonde restructuration énergétique suite à la déstabilisation de ses sources d'approvisionnement, notamment en gaz. Et toutefois, si plusieurs divergences ralentissent le processus opposant des politiques économiques différentes et à plusieurs vitesses, certains axes de progression sont quand même très encourageants. Oui, ainsi, dans le cadre d'une nouvelle stratégie économique européenne, la France et l'Allemagne se sont lancés dans des projets d'avenir, incluant notamment la production de batteries et de semi-conducteurs. Ces politiques encourageantes restent masquées par de nombreux conflits d'intérêts, l'Allemagne pouvant jouer de sa supériorité économique afin de mieux protéger son économie nationale, au risque de déstabiliser l'économie européenne globale. Ainsi, le chancelier allemand Olaf Scholz avait annoncé un plan de 200 milliards d'euros afin de lutter contre l'inflation, inquiétant alors les autres pays ne disposant pas de moyens équivalents, créant une situation d'asymétrie. Cette situation ne fait que renforcer la nécessité d'un dialogue entre les différents États dans l'optique d'une meilleure coordination économique globale au niveau européen, impulsée par un moteur franco-allemand devant rapidement intensifier ses rapports afin d'homogénéiser les différentes politiques économiques européennes. Merci Victor, puisque à l'heure où les liens franco-allemands semblent se distendre depuis l'arrivée d'Olaf Scholz au pouvoir, il était nécessaire d'éclairer les partenariats qui nous unissent encore à l'Allemagne et tu nous y as beaucoup aidé. Mais rapprochons-nous maintenant de l'objet véritable de notre émission. Si on a tous en tête les images qui montrent le petit Mitterrand à côté du grand Kohl, ou encore celle de notre chère Angela embrassant amicalement messieurs Sarkozy, Hollande ou Macron, successivement, hein, j'entends, il ne faut pas oublier où tout a commencé, puisque le premier couple franco-allemand, eh bien c'est De Gaulle et Adenauer. Ce sont eux qui ont ancré dans les esprits ce mythe du duo de choc que forment les dirigeants français et allemands. Mais que se cache-t-il véritablement derrière les photos qui donnent à voir deux vieux messieurs apposant leur signature sur le traité qui nous occupe aujourd'hui ? Eh bien c'est Inès, c'est l'heure de la révélation. Aujourd'hui, le terme de couple franco-allemand est devenu banal. Comme tu l'as dit Mathilde, à l'évocation de ce tandem, des images fortes viennent très vite à l'esprit. On pense à Mitterrand et Kohl, main dans la main, solennelle, leur robuste carrure en parfaite symétrie lors d'une commémoration à Verdun. Et puis je ne compte plus les photos sur lesquelles on aperçoit Merkel sur le point d'embrasser Hollande alors qu'elle tentait maladroitement de concilier la subtile bise française avec le chaleureux câlin allemand. Au moins avec Chirac, le problème était réglé, Merkel avait droit à son baise-main. Et à l'époque, tout n'était pas si facile, n'est-ce pas ? Et oui, dans le contexte de l'après-guerre, cela semble encore inimaginable qu'un président français et un chancelier allemand puissent développer un lien de confiance si fort. Néanmoins, à la fin des années 50, les choses se détendent et la construction européenne offre également de nouvelles opportunités de coopération bilatérale. De Gaulle franchit alors le pas et invite Adenauer le 14 septembre 1958 dans sa boisserie de Colombey-les-Deux-Églises. Et ce n'est absolument pas un geste anodin. Aucun autre chef d'État étranger dans l'histoire n'a été invité dans la demeure du général et y a passé la nuit, comme ce fut le cas pour le chancelier allemand. La boisserie, c'est son refuge, son jardin secret. Et il est tellement secret que le chauffeur d'Adenauer aura du mal à trouver l'endroit, s'emmêlant les pinceaux entre la ville Colombey-les-Belles et Colombey-les-Deux-Églises. Alors, une fois qu'Adenauer réussit à arriver à destination, quelles ont été les premières impressions des deux hommes ? Oui, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la façon dont les deux personnages se sont décrits mutuellement dans leur mémoire. Pour De Gaulle, Adenauer est un vieil Allemand. Bon, ne criez pas tout de suite au scandale, il se décrit lui aussi comme un vieux Français. Alors que la vision d'Adenauer est beaucoup plus sympathique. Il dit, je cite, Persönlich wirkte er sehr frisch. Ce que j'ai compris, comme perso, je l'ai trouvé super frais. C'était donc bien engagé. Mais bon, j'ai quand même préféré faire un petit test de compatibilité des prénoms sur le site du magazine Elle. J'ai donc entré Conrad et Charles dans le fameux moteur de recherche et ça m'a donné ça. Entre ces deux personnages, il n'y a pas forcément d'incompatibilité, mais il peut cependant exister quelques difficultés de compréhension. D'entrée de jeu, dans le mille. Les deux chefs d'État s'étaient en effet fait une certaine image de leur interlocuteur avant de le connaître. L'opinion publique allemande voyait De Gaulle comme un nationaliste français, peu enthousiasmé par le projet européen et un peu germanophobe sur les bords. Quant à De Gaulle, il n'est pas rassuré par la menace soviétique qui plane sur Berlin et toutes les conséquences que cela peut avoir pour la RFA et son dirigeant. Néanmoins, ils se rejoignent sur certaines conceptions éthiques, comme la religion et politique, comme la méfiance vis-à-vis des parlementaires. Il y a aussi une vision commune des dangers qui planent sur l'Europe, plus particulièrement dans le contexte de la guerre froide. Et ensuite, comment leur relation a-t-elle évolué ? Je continue donc ce portrait en diptyque avec les prédictions du magazine Elle. Les débuts de cette union sont certainement enthousiasmants, car il existe une belle complémentarité. Conrad est sensible au charme presque féminin de Charles et celui-ci est attiré par l'intelligence pratique et logique de l'autre. Ce test de compatibilité des prénoms a vraiment tout juste. Cette rencontre entre ces deux grands hommes a été justement l'occasion de comprendre que la France ne pouvait pas vivre sans l'Allemagne et vice-versa. La boisserie marque le début d'une suite de rencontres plus régulières pour évoquer notamment la situation de Berlin prise en tenaille entre la RDA et l'URSS. Ils ne seront pas toujours d'accord. De Gaulle fera parfois cavalier seul. Il fera par exemple des plans sur la comète à propos de l'OTAN sans l'Allemagne. Mais Adenauer, pas rancunier, continuera de prendre soin de leur relation. Non, là, j'ai arrêté de lire le résultat du test des prénoms, là, c'était vraiment moi. Et puis, en 1963, le traité de l'Élysée parachèvera bien sûr leur relation forte et atypique. De Gaulle et Adenauer, c'est donc une amitié politique et personnelle qui marque le début d'une longue aventure binationale et européenne. Merci beaucoup Inès pour ce retour sur les prémices d'une amitié qui n'en finit plus de durer. Mais Adenauer-De Gaulle, ce n'est pas seulement le traité de l'Élysée, c'est aussi un prix qui célèbre l'entente entre la France et l'Allemagne et qui a d'ailleurs inspiré Anaïs pour son intermède musical. Que serait une amitié sans que l'on en prenne soin ? Elle se perdrait, elle se fatiguerait jusqu'à s'éteindre peut-être. Alors un traité c'est bien joli, mais un prix c'est encore mieux. Et oui, le fameux prix Adenauer-De Gaulle datant... Et oui, le fameux prix Adenauer de Gaulle est décerné tous les ans depuis 1988 aux personnalités œuvrant pour la coopération franco-allemande. En 2018, il a été décerné aux jumeaux allemands fans des rappeurs français IAM ou encore Oxmo Puccino, Till et Felix Neumann, connus sous le nom de Zweierpasch, pour leur morceau Grenzgänger Frontalier, qui dépasse les barrières et fait tomber les frontières. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Ich bin Grenzgänger, Frequenz auf zwei Sendern, grenzüberschreitend geerdet in zwei Ländern. Durch meine Wurzeln geprägt, Gefühl von Heimat, wo steht im Hang zum Frankophilen ein Schlag. Être jeune, grand voyageur, j'explorais une grande passion, la France m'a vraiment fasciné. Attiré par l'altérité de l'étranger, j'ai commencé à osciller comme un frontalier. Wir überschreiten Grenzen, die Tesla damals in Rubicon. Mit aller Mauern bekämpfen wir mit dem Lexikon. Und der Rap-Musik, Text auf Happen Beats. Auf der Französisch und Deutsch, weil es den Flavor gibt. La langue me fascine, vite la CO2 pays. Et franchement, grâce à la musique, je réfléchis. Sur la vie, les frontières à dépasser. Le passé m'a donné l'esprit d'un transfrontalier. niveau schreien Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépasse les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Le niveau schreien Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépasse les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Der Reim fließt wie der Rhein, tief rein ins Meer, Worte können Grenzen verwischen, als ob sie flüssig wären. Wär ich ein Zeichen im Satz, wär ich ein Bindestrich, er hält die Dinge zusammen, die Kräfte bündeln sich. Supprime les obstacles, dépasse les frontières. Il faut se débarrasser des murs imaginaires. Passons à travers ça, faisons le nécessaire. Mettons nos forces ensemble, sinon c'est la galère. Wir wollen Brücken schlagen, Grenzen verwischen, indem wir einfach dazwischen fischen. Verbinden die Brückentage, wir schwenken eine Fahne, doch nicht mit drei Farben. Hier mit Schwarz, Rot, Gold, mit Blau, Weiß, Rot, Garniert. Je suis pas en venir, je fais de jeter des passerelles, mon pontomir. À force de l'écrire, j'utilise mon micro comme porte-voix pour déclarer dans l'unité une heure de gloire. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépasse les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépasse les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Auf den Spuren de Kohls und Konrad Adenauers, wir überwinden Barrieren wie die Berliner Mauer. Sprache ist Medium, Rap ist mein Element, wir vereinen die beiden und zerren Sinn. Ensemble c'est tout, selon notre tout. On dépasse les frontières, on met un passe-partout. De Paris à Berlin, Fribourg à Strasbourg, tirez dans le même sens, soyez pour. Wir fangen Feuer beim Rappen, brennen auf beiden Seiten. Grenzen sind offen, doch manche wollen das nicht begreifen. Wir wollen Flagge zeigen, Grenzen, die Grenzen zeigen. Die, die das Denken beschränken, in ihre Schranken weisen. On est la France, même si pas Bila combattu. L'ennemi devenu poteau, j'en ai beaucoup. Des mecs français, des meufs, on boit des bières ensemble. On rigole bien, on tchatche, on est pépé. Ensemble. Bruder Bouffas aus Freiburg, Grenzgänger, notre dédicace. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépasse les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépasse les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Haben die Empfindung und die Gefühle aller derer, die auf französischer Seite und die auf deutscher Seite an diesem Werke mitgearbeitet haben, so treffend wiedergegeben, dass ich nichts hinzuzufügen brauche. C'était le duo Zweierpasch interprétant Grenzgänger sur Europe & Roll. À présent, oubliez que notre émission touche presque à sa fin et restez encore avec nous pour profiter de ce moment que vous attendez tant, j'ai nommé le flash culturel. Carmen, tu t'es replongée dans le dessin d'animation des années 80 pour nous. Pour cette minute culture, je vous emmène dans le royaume du roi Charles V et 3 fois 8 et 8 fois 16 de Tachycardie. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, me direz-vous ? Eh bien, il s'agit de ma dernière trouvaille cinématographique, le magistral film d'animation « Le roi et l'oiseau » par Paul Grimaud et Jacques Prévert. Je suis un peu en retard, car il est sorti en 1980, mais pas tant que ça, puisque j'ai quand même pu aller le voir au cinéma. Alors, Le Roi et l'Oiseau, c'est l'épopée poétique d'une bergère et d'un ramoneur, sortis d'un tableau dans une ville à l'architecture sans queue ni tête, gouvernée par un despote odieux, presque attendrissant de ridicule. L'oiseau audacieux nous contant cette histoire, se joue du roi, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre la main sur la petite bergère dont il est tombé amoureux. Je n'ai pas assez de mots pour décrire ce bijou qui m'est apparu comme un océan de fraîcheur. Sous ses airs enfantins, le long-métrage dénonce l'oppression d'un tyran dont le culte de la personnalité et la fâcheuse manie de faire passer à la trappe tous ceux qui osent lui déplaire résonnent avec nombre de figures historiques. Ce condensé de délicatesse, d'ironie, de vérité, de références culturelles et de poésie ne me fait dire qu'une chose, allez le voir très vite. Merci beaucoup Carmen pour ce poétique voyage dans le temps et on vous encourage donc à aller savourer ce beau film. Europe & Roll, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve très vite pour notre prochaine émission. Merci encore à toute notre équipe de chroniqueurs qui espère vous avoir éclairé sur le traité de l'Élysée et sur son importance dans les relations franco-allemandes. Mais surtout, merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Si les émissions Europe & Roll vous ont manqué, n'oubliez pas que vous pouvez les retrouver à tout moment en podcast sur Spotify où Léandra les référence avec soin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 13h et lundi à 17h30 sur Radio Fadjet. Je vous laisse avec Anaïs pour une ultime ode en musique à l'amitié franco-allemande. Parce que cette amitié a soulagé de nombreuses consciences, je vous propose d'écouter la mélodieuse et apaisante voix d'Amy Warning, jeune chanteuse munichoise qui s'est d'ailleurs rendue dans des différents lycées français, notamment au lycée Chopin de Nancy, dans le cadre d'un atelier d'écriture. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir son dernier single, Weg. Mir an dir gefällt, zwischen Angstzuständen und Depression vermisse ich dich manchmal schon. Ich streng mich tagsüber so sehr an, dass ich nachts nicht schlafen kann. Erfolgschancen, Prüfungsdruck, Reichtum, Mode, Schmuck, Freizeit, Ehrgeiz, Inflation, kein Fleisch, gesund leben, gute Freundin, mehr geben, mehr können, mehr haben, mehr wollen, sich nichts gönnen. Lass uns über rangegangen, hab ne Therapie angefangen, war unser Treffen, beruhigt mich sehr, weil nicht nur ich, tu mir schwer, es ist die Zeit, die Stadt, sind wir selber schuld, es ist die Angst, die Möglichkeiten, die Ungeduld, egal was es ist, bring mich dorthin, wo es anders ist.